Lainey, en ce beau 12 février 2024, je peux affirmer une citation que j'ai écrite il y a de cela quelques années, le 15 décembre 2019, et ça se lit comme suit. Tu peux décoller, l'avion vient d'atterrir, la collision n'aura pas lieu. Oh! Hey, t'as coupé? Oui, la collision a eu lieu. Aujourd'hui, le lundi 12 février 2024, monte le volume et hume la différence, car c'est parti. Mes amis, c'est carélien, c'est carélienne. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Samedi soir à Saint-Dilon, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a dit on fait une danse, on va danser chez Bibi. On s'est trouvé un violon au salon des partenaires. Puis là la soirée commence, c'était vers 7h30. Entrez mesdames, entrez messieurs. Marianne a sa belle robe et puis Roland a ses yeux bleus. Yvonne a mis ses souliers blancs, son décolleté. Puis c'est beau quand ça aime à faire les choses en grand. Ça vient d'arriver du couvent. Y'a aussi Jean-Marie, mon cousin puis mon ami Camille, sa belle habillée avec ses petits souliers vermis, le blabli, comme on était comme il voyageait. Quand on danse à Saint-Dilon, c'est pas pour les embrassages, c'est horrible et ça va vite, il faut pas passer des pas. Il faut bien suivre le violon si vous voulez pas être sage, aussi bien partir tout de suite, y'a ni temps ni place pour ça. Tout le monde balance et puis tout le monde danse. Jeanne danse avec Antoine et puis Jeannette avec Raymond. Petit Paul vient d'arriver avec Thérèse à ses côtés, ça va passer la soirée à faire semblant de s'amuser. Mais ça s'ennuie Jean-Louis, son amour et son ami qui est parti gagner sa vie de bord de l'île à Scotty. Il est parti un beau samedi quand même, on dit mal fait ça. On danse toute la soirée, le brin de vie d'un blancheuse, puis le combo dans la cage, et puis nous l'avons passé une nuit. C'est Charlie qui a débrouillé, il a perdu son amoureuse, il s'est fait mettre au placage, pas ma femme est plus beau que lui. Un dernier tour de la chaîne, les dames avant de partir, à m'en serrer la main plus fort, à m'en compter que j'ai perdu le podium, on ressort pas les mêmes, j'ai rétipé, ça lui procède, on croit que j'avais jamais viré comme ça. Meuf là tout étourdie, mon amour et mon ami, c'est ici qui s'est mis à la tournée comme une toupie, elle a compris, elle a dit, les mardis puis les jeudis, ça prétit ton bonheur. Quand un petit cousin dit non, on prend sa course après une fille. Il a fait des récivettes qui ne peut plus s'arrêter. Pour un petit air de violon, elle vendrait toute sa famille. Elle pensait que samedi en 8, il pourrait peut-être la réinviter. Oh ta capine, puis swing la mandoline. Puis haute ton jupon, puis swing la madeleine. Swing la forme dans une corde. Et puis fais-y voir que t'es pas mort. Hey, je te parle pas avec le dos de la cuillère, là, hein? Je suis très sérieux. Gaétan, on doit se parler. On doit se dire des vrais choses. Oh non, depuis, je sais pas, depuis le début de l'année, là, ça va pas bien. Je sens des frictions entre nous. Oui, effectivement, j'étais en train de manger. Des viandes froides. C'est du salami, ah mon doux, salami Mondello. C'est-à-dire, c'est du Parmigiano de Pepe Lamano. Lagano. C'est de Lagano que je mange. Non, c'est du parapsychologique. Non. C'est du pararénal. Oh, c'est savoureux. Oh, avez-vous déjà rentré dans le pararénal? Non, mais t'attends. Ouais. T'es jamais rentré dans le. Mais t'es rentré dans le mur. T'es rentré dans le mur, oui. C'est du par. Midiana, Père Midiana et Pepe Mero. Père Midiana, tout le monde connaît ça, hein? Du Père Midiana. Père Midiana, mi amour, adieu la vie, et nous la stina molani, anomala, anolami, mislanistu, mon ami, bravieux, mon ami, bravieux. Oui. Oui, oui. Mais non. Comme je t'ai dit, je ne te parle pas avec le dos de la cuillère. Non, je suis très sérieux. En janvier, j'ai été tranquille. En fait, je t'ai pas parlé trop de ce qui se passait entre nous. Oui, je sais que la vie continue malgré tout, mais là, la fin de janvier est arrivée. L'anniversaire de Gaétan Brisebois a eu lieu. Nous étions invités. Et tout le monde parlait de nous quand c'est, nous étions invités. Oui, oui, nous étions invités. Mais nous n'étions pas les personnes sur lesquelles on devait, qu'on devait zoomer, qu'on devait éclairer. Nous étions des figurants comme tous les invités. Celles qu'on devait rendre hommage, c'est la fêtée. C'est la personne qui avait son anniversaire. Mais non, tout le monde parlait de nous autres. Surtout de moi. Ouais, il paraît que j'ai changé. Bon. Puis toi, ben, tu dis à tout le monde que je répète toujours la même chose, que je me souviens plus de ce que j'ai dit, puis je commence à perdre la carte. Je perdrai jamais la carte, moi. Jamais la carte. Mais non, moi, je suis pas pour la carte. Ah, non. Moi, je suis pour la monnaie courante. Moi, la carte. Est-ce que c'est débit, crédit? Bon. Là, tu me dis, c'est la carte débile. Tu deviens de plus en plus débile, mais c'est pas gentil pour moi, ça. Parce que la débilité n'est pas un vice. La débilité est un constat. Un constat où on ne peut rien changer. Sauf que tu as peut-être un partenaire. C'est une blague! C'est une blague! Ouais, tu trouves aussi que mes... Ouais, mon humour a... Bon. Ben, il faut changer. Il faut corser un peu l'humour, madame. Là. Ben, voyons donc. Je ne resterai pas un humoriste flasque et sans issue. Je devrais. Puis c'est pas drôle. Bon, ben c'est pas parce que tu trouves pas ça drôle que personne ne rit. Quand je me suis fait couper les cheveux la semaine prochaine, hein, ça se peut pas faire couper les cheveux la semaine prochaine. Dans mon cas, tout est possible. C'est juste dans l'entendement du genre humain qu'on peut créer des blocages. Parce que sinon, là, tu laisses tout ça ouvert, là. C'est comme de l'eau qui c'est l'arrosoir. OK, tu te procures une arrosoir. Comme on dit chez nous, une ose, qui ose pisser de partout. C'est-à-dire, tu sais, il n'y a pas eu seulement le centre du tuyau. Admettons qu'elle a des trous partout. Donc, elle éjacule de tout sens, sans savoir sur qui ou sur quoi elle va arriver. C'est ça l'humour. C'est pas clair. C'est trop clair. Plein d'images te viennent à la tête et tu la perds. La tête, pas l'image. L'image reste là, pas floue. Au contraire, très précise en toi. Ça commence à te hanter. Et quand ça te hante, ça ne te... quand ça te hante, ça ne te t'en hante pas. Non, parce que tu veux enlever cette idée-là. Parce que tu dis, c'est pas une idée floue. C'est une idée de fou. Les jeux de mots peuvent s'enfarger la virgule, le point d'exclamation. Tu peux mettre de la majuscule, du minuscule, des accents aigus, de graves. Tu peux aussi même des points de suspension, des triples. Hein? C'est de la gymnastique. Mais oui, exactement. On devrait faire, ça existe, les Jeux olympiques des mots. Ça existe. C'est pas aux 4 ans, c'est pas aux 2 ans. Là, cette année, là. Non, on parle sérieux, là. Cette année, c'est les Jeux olympiques. Parce que là, on s'est propulsé en 2000. Tu sais, admettons qu'on était en 1992, OK? Puis là, on se propulse en 2024. Imaginez-vous qu'il y a les Jeux olympiques là-bas. À bleu-blanc-rouge. Pays bleu-blanc-rouge. Oui. moins fraternité, moins égalité, moins avec des SDF dehors sur des matelas. Ben oui, il paraît que c'est raisonnable. Ah oui, ah oui, ah oui. Les pauvres sont pauvres, les riches sont pas riches. Les extra-riches, là, sont un peu riches. Mais la richesse, selon moi, c'est pas uniquement économique. Je l'ai dit, hein? Et quand, à quelle émission? Errance Rinaldienne, oui, mais à quel moment? J'en parle souvent, hein, parce que pour moi, c'est une ligne médiane que je dois me concentrer à dire et à redire sur des impôts différents. Tu n'es pas obligé de radoter ça d'une manière conventionnelle. Tu peux prendre d'autres avenues. Et c'est vrai que les riches ont de plus en plus. Mais la richesse intellectuelle a une place prépondérante à mon égard. Là. Puis moi, c'est sûr qu'à mon égard, ça ne dérange pas grand-chose une société contemporaine. Mon petit égard perso, là, ah, bon, doux Seigneur, ils n'en parleront pas dans le monde diplomatique. Ben non, ils ne parleront pas dans le journal Le Devoir. Oh, la radio de Radio-Canada, ici Radio-Canada, n'en parlera pas. CKRL peut-être effleurera, parce que j'ai une émission à CKRL, le 89.1 à Québec. Oui, la ville de Québec. Oui, le général Le Drôle. Oui, oui, oui, vive le Québec libre. Oui, oui, oui, oui, oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est le Québec. Mais moi, c'est la ville de Québec. Ouais, Parlement. Exactement. Quand on parle Parlement, on parle de poésie. Ouais, mais aussi de pas pire. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Ça dépend qui, là, mais c'est de la polyphonie corse, exactement, bravo, deux morceaux de robot. Mais pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire des morceaux de robot, ça ne leur dit rien. C'était les satellites popettes. Les satellites popettes sont déjà mordus. Puis on donnait des morceaux de robot pour les enfants qui avaient donné la bonne réponse. Par exemple, OK, bon, je ne sais pas si ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça, les satellites popettes, ça n'existe plus, là, mais dans ma tête d'enfant, là, dans ma tête d'enfant, il y a des souvenirs dans ma tête, dans ma tête d'enfant, il y a des souvenirs. Exemple, la phrase pour gagner des morceaux de robot. Comment appelle-t-on un spaghetti, ça c'est, hey, je suis bon là-dedans en plus, un spaghetti avec de la viande. Hein? Là, on est deux enfants, là. Un spaghetti avec de la viande. Puis là, il y a un choix de réponse. A, un spaghetti tomate. B, un spaghetti végétarien. Ou C, un spaghetti bolognaise. Oh mon Dieu, bolognaise. Spaghetti végétarien, c'est quoi? Ça veut dire bolognaise, bolognaise. Niaiseuse, pas ça, ça veut dire bolognaise, tiens. T'es-tu niaiseuse? Non, niaiseuse. Non, tu manques un peu de... Ouais, t'as pas de connaissance, toi. Ben non, hey, ta mère me l'a dit. Tu vas jamais à l'école, tu veux pas aller à l'école. Puis là, non, ouais, je peux pas te dire ça. Que tu vas dire, toi? Végétarien, mais non, végétarien, c'est pas de viande. C'est pas bon. Ça sent pas bon, ça goûte rien. Ça vient de la terre, mais oui, ça vient de la terre, les animaux, ça vient de la terre. Mais je sais qu'il faut les tuer, mort, arrête-toi, là. Et votre réponse, on sait pas, on discute, là. Oui, mais on veut pas dire ça de même. Ben, c'est sûr que c'est pas la tomate, c'est une sauce tomate. Une sauce tomate, y'a pas de viande là-dedans, y'a pas de légumes, y'a rien. Bon, on va prendre mon langage, ok, on va dire mon langage. Nous avons trouvé la réponse, oui, alors votre réponse, bolognaise. Exactement, deux morceaux de robot. C'est à peu près ça, cette émission-là. Puis, est-ce que vous en rappelez? Ben, c'est un peu compliqué, là. Hein? J'habite en Suisse. Ben, j'habitais 10 années en Suisse. Ensuite, j'ai déménagé pour... Ensuite, la Belgique, Neuchâtel. J'habitais à Neuchâtel avec Gretane Lamoning. Gretane Lamoning, c'est une danseuse contemporaine qui cherchait, bien sûr, l'accord parfait entre la musique et l'expression de son corps. Ensuite, nous avons déménagé parce qu'on s'est fait expulser. Ça peut arriver. Nous sommes partis pour la France, la Normandie. Ah, c'est beau la Normandie, c'est beau, c'est beau. Ah, les chèvres sont belles, les vaches sont belles. les résidents sont, les paysans sont non pas rapprochés, mais éloignés. C'est le contraire. Hein? Et puis, nous avions pas beaucoup d'animaux. Ah non, deux poules. Non, attendez. 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins. Nous avions 6 canards, 5 fourmis, 4 chats et 3 poussins, 2 belettes et une souris. Mais une souris verte. Ah, plus verte que ça, là. Elle était formidable. Elle était québécoise. Oui. Puis, étrangement, lorsqu'elle changeait, là, pour... Elle se métamorphosait. Oui, en une jeune fille, elle se disait... Oui, ça, c'est tout à fait étrange. Elle se disait une Montréalaise et elle s'appelait Louisette Trousseau. Je rentre en transe. Désolé hein, pour la transe, on ne peut pas choisir. Hein. On transe quand on peut transer. On dirait que c'est Louisette qui rentre en moi. Louisette Dussault. Elle s'appelle Louisette Dussault. Une dame extraordinaire, une souris aussi rigolote. Et lorsqu'elle se transformait en souris verte, parce que ça lui arrivait à chaque jour, à 16h30, à Radio-Canada, télé d'État, lorsqu'elle revenait à elle, parce qu'elle faisait ça en dehors de l'Amérique du Nord, le Nord, le maudit Nord qu'on aime bien. Le Nord, on aime ça, le Nord. Hein? Ah, le froid, la guédie. Puis, tu te casses la gueule là-dessus. Tu mets le pied. Puis, ah ouais, non. C'est ton pied québécois. T'étais pas un Bigfoot, toi, là. Puis, tu t'en foutes pas de l'hiver. Ben, tu t'en foutes, oui. Tu t'aimerais t'en fouter. Mais tu ne peux pas t'en fouter parce que tu es imprégné là-dedans. Puis là, tu sais, avec le changement climatique, il fait chaud, il fait froid, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon Dieu, la vinaigrette coule, il n'y a pas assez de salade, puis on va manger ça plus dans le liquide que dans le solide. Ah, mon Dieu, Seigneur, qui s'en passe des affaires dans le monde. Il est au très fond de toi, n'a ni président ni roi. Il ressemble au pays même que je cherche au cœur de moi. Voilà le pays que j'aime. Il me reste un pays à prédire. Il me reste un pays à semer. Vaste et beau comme la mer avant d'être découvert, puis ne tient pas plus de place qu'un brin d'herbe sous l'hiver. Voilà mon jeu et ma chasse. Il me reste un pays à produire. Il nous reste un pays à donner. C'est un pont que je construis de ma nuit jusqu'à ta nuit pour traverser la rivière froide obscure de l'oubli. Voilà le pays à faire. Il me reste un nuage à poursuivre. Il me reste une vague à dompter. Comme un jour tu sonneras, cloche de ce pays-là, sonnez femmes, joies et cuivres, c'est notre premier repas. Voilà le pays à vivre. Il nous reste un pays à surprendre. Il nous reste un pays à manger. Ces pays rassemblés feront l'homme un champ de blé. Chacun sème sa seconde sous l'amour qu'il faut peler. Voilà le pays du monde. Il nous reste un pays à comprendre. Il nous reste un pays à changer. C'est beau, votre petit menu. C'est très bon, ce petit menu-là. C'est quoi? C'est. Moi, c'est du pepperoni, vous m'avez dit. Pas du pepperoni. Non, quelle horreur, hein? Non, c'est. Comment? Comment vous appelez ça? Du salami. Bon. Mais ça, manger. Ça, c'est merveilleux. On est au monde. Lorsqu'on grandit. Désolé, hein. J'ai pas terminé. J'ai pris une trop grosse bouchée. Parce que c'est du Fantino et Mondello. Du salami. Vous savez, vous en avez parlé. Oui. Si vous nous écoutez en vol, on t'écoute pas en vol. On te prend depuis le début. Radote pas. On sait ce que. Non, je radote pas, madame! Quelle effrontée! Je me suis dit, là, cette année, je m'affirme. Vous êtes une effrontée, madame. Mais vous avez le droit de vivre quand même. À côté de moi, respirez l'air que je respire, il n'y a pas de problème. Nous sommes une grande famille. Donc, respect. Donc, c'est ça. C'est merveilleux. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez dire dans l'insignifiant? C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph-d'Alma. Malgré ma vie... Non, on l'a fait, celle-là, mais c'est... Mais je l'adore. Malgré ma vie est sobre, devait se finir là. Adieu et paix, ma mère. Adieu tous mes parents. Les parents ont rapport au début. Après, ça peut sentir la division. Puis il faut l'accepter. On peut faire cavalier seul. Tu sais, on choisit pas nos parents, on choisit pas sa famille, comme disait Maxime le Fox. Oh non, j'allais dire le Fox Terrier. Ça, c'est une de mes anciennes blagues, mais je crois que ça vient de Renaud. Renaud, talala! Renaud, le chanteur énervant. Talala! Mais, Renaud que je vais peut-être rencontrer en 2024, en juillet 2024. J'ai quelqu'un, une amie qui m'a dit le connaître très bien. Ben en fait, la petite histoire derrière ça. Voulez-vous que je vous raconte la petite histoire ou la grande histoire? La grande histoire, mais pas sur Renaud. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez contre Renaud, vous? Chanteur énervant, oui, puis... Il y a un animateur énervant, c'est cohérent, c'est Renald Gagné. Oui, le lundi à minuit ou le dimanche à 23h59, dépendant, pour pas le manquer. Ou des fois, c'est mieux vaut le manquer, hein? Oh, au bureau, hein? Le lundi au bureau. Il me semble que t'as l'air un petit peu en manque de sommeil. Ouais, j'ai écouté Rancel Indienne. Oh, mon Dieu, je suis pas arrivé à dormir. Tout ce qu'il me disait, j'essayais de me rappeler, c'est incroyable, pas incroyable dans le sens de magique, ou incroyable dans le sens de ravagé et d'un univers assez obscur, c'est du baroque, le baroque devrait se tenir tranquille quand on place Errance Renaldienne dans le baroque. Même le mot en majuscule avec des néons qui scintillent, avec des chansons, des danseuses, tant Oui, c'est obscur, et c'est obscur, hein? L'obscurantisme n'a pas sa place. Il faut éclairer, mais quelquefois, surtout quand c'est à l'extérieur, tu sais, un petit port d'ombre, ça a sa place, hein, de romantisme, de sensualité. Oh. Aimez-vous ça, vous, la sensualité? Oh. Non, ok, moi non plus. Moi, je n'ai pas le temps de niaiser avec ça, moi, la sensualité. Oh, non. La sensualité, non, là, hein? Pardon? Excusez-moi, je dis, hein, quelle effrontée. Je suis un effronté. Pas celle de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg, mais un effronté. Pas l'effronté, mais un effronté. Et puis, j'ai rien contre, là, d'être. Il faut l'être un peu, faut brasser la cage. À poisson rouge. Bon, Là, il y en a qui me disent, mon Rénal, tu fais fausse route comme d'habitude, dans une cage, il n'y a pas de poisson rouge, c'est dans l'aquarium. Ben moi, je place à mon émission les poissons dans une cage et je brasse la cage. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils restent dans l'eau quand même. Non, ils ne sont pas dans des sacs. L'eau passe pas au travers de la cage. Je sais qu'il y en a qui disent, mais physiquement, là, hein, la physique, vous ne connaissez pas la physique de qui disait que l'eau était vaporeuse, l'eau était légère, l'eau était liquide. L'eau est liquide, voyons donc, oui. Depuis quand l'eau est liquide, moi, écoute, je suis pas né de la dernière pluie. Ça, c'est liquide, la pluie. Je suis pas né de la dernière pluie. Ni de la dernière tornade, ni de la dernière larme qu'une femme a laissé sécher. Hein, quand une jeune femme pleure pour l'être adoré parce qu'il est en retard de 5 minutes. Pourquoi il est en retard de 5 minutes et que la douce aimée verse une larme? C'est parce qu'il y a 5 minutes de retard sur sa montre, là. Puis même avec son cellulaire, lui, le cellulaire, il connaît pas ça, là. C'est un homme qu'elle aime parce qu'il est hors norme. Il ne se qualifie pas au monde contemporain, au monde actuel. Oui, j'allais maganer un adjectif. Oui, je l'ai arrêté. Monsieur le professeur. Oui, j'ai un professeur qui s'appelle Raoulette, la tablette. Oui, c'est un professeur qui est depuis longtemps. Ben, elle a fait son travail pendant 10 ans. Et puis après, on lui a dit non. Vous êtes trop extravagante dans votre travail. Pardonnez-moi. J'ai un morceau de saucisson. Salamisé. Je suis en train de mourir. Salamisé, il est dans ma salamisé. Salamisé, salamisé, salamisé. Hein? Ah non, je reviens à moi, oui. Le professeur, oui. Oui. Mais là, j'étais en train de mourir avec la salamisée. Salamisée. Ça n'a rien à voir. C'est toi qui dis ça. C'est juste toi qui dis ça. Il n'y a personne d'autre ce soir qui dise la même chose que vous émanez de votre bouche. Pourquoi êtes-vous tordu ainsi? Vous ne m'aimez point? Oui. Sur ma gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Oui. Oh, chantons en chœur. OK. Tomber la nuit, fermer le jour. En passant, je tiens à vous dire que cette chanson-là va très bien à mon amie Clémence Desrochers, parce que c'est elle qui chante. On y va, Clémence. Nous serons Clément avec Clémence. Oui, facile, facile. Mais... cette chanson-là n'est pas facile à chanter, hein? On y va. Vous connaissez pas la parole? Faites... la, la, la, la, la, la, la, la. Tomber la nuit, fermer le jour, il n'est de vrai que nos amours. Au bout du fil de ma chanson, est un pays bonheur, misère. Tout commencer, tout reste à faire. Je suis à lui trouver un nom entre jeunesse, amour et terre. J'aimerais dépenser ma nuit à te courir mer et merveille, mais c'est au creux de ton oreille qu'un de mes mots cherche son lit. Un mot qui sonne comme veille. Tomber la nuit, fermer le jour, il n'est de vrai que nos amours. Tomber la nuit, fermer le jour, il n'est de vrai que nos amours. Je cherche un mot doux comme amour, mais dont on n'aurait point la rime. Je cherche un pas qui danse et trime, mais ce pas serait du tambour. La mort a tant de synonymes. avant de jouer au bonheur, au sommeil ou à la misère. Rappelle-moi comment j'espère et que j'ai là mon coin du cœur et que je rame à ta galère. Tomber la nuit, fermer le jour, il n'est de vrai qu'aux amours. Tomber la nuit, fermer le jour, il n'est de vrai que nos amours. Tomber la nuit, fermer le jour, il n'est de vrai que nos amours. Tomber la nuit, fermer le jour, il n'est de vrai que nos amours. La semaine dernière, j'ai dit à Viviane, ma belle Viviane, je t'ai pas appelé depuis 2 semaines, c'est pas parce que je t'ai oublié. Non, c'est pas parce que j'avais pas le temps. Non, non, non. C'est parce que je voulais réfléchir sur ce que j'allais te dire ce soir. Ça fonctionne? Me crois-tu? Oui? D'accord. Non, nous ne sommes pas fâchés, moi et mes personnages intérieurs, parce que quand je parle de moi, je parle de nous. Nous, c'est tout ce qui gravite autour de mes personnages et tout ce qui est introspection à l'intérieur. Introspection, c'est à l'intérieur. À l'intérieur de mes personnages. Je ne suis pas seul. Nous sommes plusieurs. Tu sais, les gens qui me disent, est-ce que tu t'ennuies? Et tu rigoles, oui. Moi, le m'ennuyer, il y a tellement de monde en moi. Comment puis-je arriver à cet état d'ennui? C'est impossible. Impossible. Là, quand tu dis ça, tu dois l'appeler. Impossible. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire. Et surtout pas mieux. Ça, c'est le début d'une chanson de Claude Dubois. C'est pas pire, mais surtout pas mieux. Dans Femme aux filles. Femme aux filles. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête depuis le début de notre rencontre jusqu'à maintenant? Pas grand-chose. Non. Je vais être honnête avec toi. Je serai honnête comme le pain béni de Serge Duplessis Lemieux, hein, lorsqu'il met ce produit qu'on appelle le pain, hein, dans son grille-pain, bien sûr. Hein, un pain, c'est un grille-pain. Et qui sélectionne la le grillage, tu sais, comment il veut avoir son pain, soit foncé, cuit, pas trop cuit, assez cuit, oui, trop cuit, mais lui, il aime ça quand c'est avant que la fumée fasse partir. C'est son il y a un détecteur. Il y en a même 6 détecteurs chez lui. Il habite dans un 1,5, mais il a tellement peur du feu. Ah, mon... C'est pas lui qui l'a inventé. Celui qui est... C'est le seul qui voudrait que l'on désinvente le feu. Imaginez-vous, une société pas de feu. Ouais, le genre humain, plus ça avance, moins c'est allumé. Bon, mais le feu n'est pas toujours attribué à ce mot-là, allumer. Parce qu'on peut allumer, on peut allumer quoi? On peut allumer une... Ouais, qu'est-ce que tu allumes, toi? La lumière, ouais, ben c'est pas du feu, la lumière, ouais, c'est... T'as raison. Allumer quoi? Allumer la sono. Ah, la sono, c'est pas de la lumière, sauf que si... Johnny Hallyday, c'est « Ouvre la lumière, qu'est-ce que tu fais avec la lumière? Quoi, la lumière? Elle n'a pas le droit de vivre ma lumière! » Johnny Hallyday, Puis après ça, Éric Lapointe, vers 4h30, 5h du matin, après un spectacle de 2h, il est là, couché chez lui. Puis là, il entend cette chanson-là de Johnny Hallyday. Il veut la refaire, là, sur scène. Comme il joue dans 3 semaines, parce qu'il faut qu'il dégrise un peu. Ouais. C'est Éric Mamointe. J'ai dit la... Non, c'est Mamointe. Éric Mamointe. Sœur Suzanne Mamointe. Celle qui rit. Suzanne Mamointe, ouais. À moins que ça, là, on peut pas dire de non, parce qu'on veut pas se faire... Ah non, on peut pas se faire. Bon, on peut se refaire, mais on peut pas se faire au début. Mais on ne sait pas comment ça peut virer. Si ça vire trop carré, ben on risque de perdre la carte et de virer en anglais. Quand tu es en anglais, oh mon Dieu, grave problème au Québec. J'étais dans l'autobus hier. Je revenais du boulot. L'autobus était bourré, pas d'explosif, non. Bourré, pas d'alcool non plus. Mais bourré, c'est pas moi qui étais bourré, c'était la salle. C'est Gainsbourg, ça. Mais non, c'était bourré. Puis, moi, j'étais en avant. Là, le chauffeur m'a dit, « Attention, on va fermer la porte. » Ouais, allez-y. Mais là, je savais pas que la porte fermait pas normalement. Tu sais, ça faisait comme un petit rond. Puis mon genou puis ma jambe étaient dans le petit rond. Mais lui, en fermant, il s'est dit, ben il va se rendre compte que, donc, il va la retirer, c'est ce qui est arrivé. Puis là, on roule, puis moi, je roule pas longtemps, je roule 10 minutes. Et, pour arriver chez moi, bien sûr. Pas pour arriver chez Gaétan Brisebois, elle m'ouvre plus la porte. Raymond lui a dit, s'il arrive chez vous, appelle la police. Puis s'il arrive chez moi, amène la mitraillette. Je suis bien accueilli partout, moi. Accueilli partout de même. Ah! Et puis, sinon, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, c'est ça. Là, j'étais dans l'autobus. J'entendais des gens parler anglais. Ça me dérange pas d'entendre, je sais pas, les Africains parler dans leur langue. Mais là, ils mouillent tout le temps. Non. Mais maudite mardi, ils mouillent tout le temps. Ah oui, ma petite chute. Non. Mais je me suis dit, mais diantre. Où arrive-t-on à parler français à Québec? Pas au Québec, mais à Québec. Sur quel univers sommes-nous tombés, nous? Bon, là, ils vont dire, ah non, Rénal, on n'aime pas ton discours. Là. Mais c'est pas, non, c'est simplement que il n'y a pas si longtemps, on entendait juste des francophones. Mais comme je vous dis, ça me dérange pas d'entendre des Asiatiques parler leur langue, des Africains parler leur langue. Mais entendre l'anglais, qu'est-ce qu'ils font ici au Québec, les Anglais? Le haut, le bas Canada. C'est où la différence entre le bas Canada? On appelait comme ça le haut et le bas Canada. On disait les deux solitudes. Maintenant, il y a l'osmose. Puis il y a les Québécois pas purlaines. On va me traiter de Québécois purlaines. C'est faux. Je suis un Québécois qui tient à sa langue française. À Québec. Au Québec, je ne peux plus l'espérer, sauf dans les petites régions. Et là, ils vont dire, ils vont venir dans mes régions. Sherbrooke, pas petite région Sherbrooke, oui, on est une belle ville. Ben oui, non, mais je veux dire, pas dans les grandes stratosphères comme. Tu sais, quand on nomme les. C'est quoi? C'est Montréal, Québec. Sherbrooke n'est pas normé, mais j'ai rien. Trois-Rivières là-dedans, OK? Non, je ne peux pas dire. Les grandes villes, c'est Rénal, oui. C'est Québec et c'est Montréal. Les autres, c'est des belles villes que l'on aime visiter et qui sont majoritairement francophones. Là, je me rends compte que Montréal embrasse Québec avec la langue anglaise. Wow! Malheureux, tant pis. la la la dame, tout le monde est malheureux, tam tit les l'homme, tout le monde est malheureux tout le temps. Tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut de l'argent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'argent pour faire ma montagne, l'argent pour faire ma montagne, ah s'il y avait moyen tout le temps, tout le temps. Puis l'amour pourrait te foutre, malheureux l'homme des Juliette, il fait noir sur notre amour. Je sens que les étoiles défilent sans être trop des étoiles filantes. La tranquillité de l'esprit du genre humain commence à se ressentir dans notre relation amoureuse. Voyons donc, toi, la mine va casser, là. Maman! Les crayons plomb, hein, c'est plus ce que c'était. Parce que plusieurs se disent, ah, ben, ils prennent plus ça. Ils prennent le clavier, ils prennent... Mais moi, c'est soit le crayon plomb ou le crayon feutre. Le crayon bille, j'aime un peu moins, parce que ça bave. Ça dépend du crayon bille, hein. Il y a du bon crayon bille, il y a du moyen crayon bille, puis il y a du pas bon crayon bille. Pas bon crayon bille, là, ça te bave partout, puis après ça, tu regardes ta main, elle est rendue bleue. Si ton crayon est bleu, là, s'il est noir, il est blanc, c'est rouge. Jamais écrire avec un crayon rouge, hein, un stylo rouge. Non, le stylo rouge, c'est juste pour le professeur. Pour te dire que t'es pas bon ou que t'es pas bonne, qu'ils entourent ta faute, puis qu'ils placent la note en haut de la page, de la première page, en disant réussite ou échec. Ça me rappelle mon secondaire. Moi, j'avais une Madame Rochette. Peut-être pas Rochette, mais en tout cas, on va dire Rochette, qui était mon professeur de français. Puis, hey, lorsqu'elle disait les verbes, là, hein? Je suis tué, il est. Elle montait sur la table. Elle montait sur sa chaise avant. Puis après ça, elle montait sur la table pour dire tous les verbes. Là. Je suis tué, il est, nous sommes, vous êtes. Elle était quand même très habitée par la langue française. Je sais pas comment. Non, elle n'est plus de ce monde. Elle a trébuché. Oh non, la tête y est tombée. La tête du. Comment t'appelles ça? Donc, du gréviste. Il l'avait mal vissé, hein? La grévisse avait mal vissé. Je leur dis continuellement, grévisse, prends tes professeurs au sérieux. Visse-leur la tête un peu plus solidement, là. Tu sais, bien beau monter, là, ça tape. Je suis tué, hein? Le passé simple n'est pas si simple. Bon, on va prendre le verbe, je sais pas, là, comme ça, vite de même. Un verbe difficile. Ouais, au passé simple. On va prendre passé simple avant, là. Passé simple. Et quel est le mot difficile, le passé simple? Passé simple. Passé simple. Simplement, je t'aime, mon amour. Hey, comment ça, ça fait pas écrire? Simplement, je t'aime, mon amour. simplement. Pas assez simple. Oui, simple. D'accord. Alors, on va prendre le mot, découvrir. Hey, découvrir, c'est quelque chose. Découvrir. Découvrir. Parce que ça finit par ici. Hein? Alors, là, mon professeur se levait au passé simple. Je découvris. Tu découvris. Il ou elle, hein, bien sûr, découvrit. Nous découvrîmes. Vous découvrîtes. Elles découvrirent. Ou ils découvrirent. C'est ça. Mais il y a des verbes plus compliqués que ça, là. Le verbe, disons, pas compliqué ça, voyons donc. Le verbe, Dissoudre. Hein, dissoudre. Disparaître. Non, dissoudre. Dissoudre. Le verbe dissoudre. Ouais, dissoudre. En as-tu le droit, oui. Pas assez simple. Hein? Je dissous. Ah non. Je dis. Hey, c'est compliqué à dire. C'est... Je dissolue. Tu dissolues. Il ou elle dissolue. Nous dissolûmes. Vous dissolute. Il ou elle dissolure. Ben, c'est pas si compliqué que ça. Tu prends le verbe. Ça finit par U. US. UT. Ut, ur. Bon. Pourquoi en faire un drame, monter sur les pupitres, puis avoir donc sur les chaises, puis écrire échec, puis voyons donc, échec et maths. OK. Un peu parti, un peu naze. Je monte dans la boîte de jazz. Non, on descend. Parce que toutes les... Si vous avez déjà, à une certaine époque, visité des spectacles, hein? Moi, j'ai visité des spectacles. Ah, mon Dieu! Hey, continuellement. Non. Visiter des salles de spectacle. C'est toujours dans des sous-sols pour le jazz. Alors, un peu parti, un peu nage, je descends dans la boîte de jazz. Planter un chêne au bout de mon champ, ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, mais ce sont mes chaînes, perdrai-je ma peine? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Le roi et la reine perdront leur manant, mais l'amour m'enchaîne, perdrai-je ma peine? Le roi et la reine perdront leur manant, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Capitaine sur mon bâtiment, tout en bois de chêne, perdrai-je ma peine? Serai capitaine sur mon bâtiment, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? planté un chêne au bout de mon champ. Ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Peux-tu ouvrir le bar, s'il vous plaît, parce que Bukowski a le droit de dire sa phrase. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Alors ici, j'ai le Buck de l'oncle Buck. Il va falloir que j'en écrive d'autres, hein? Il faudrait que je puisse dans le livre. C'est pas moi qui les écris, là. Partez pas de rumeurs, mettez pas ça dans les revues la semaine prochaine, dans le boire et dans le... Non, oh, oh non, j'ai déchiré. Ah, oh, c'était trop violent, oui, mais je pense à ma semaine, là, puis ça me rend comme ça, moi. Première phrase, quand, première phrase du début du nouvel Jean Bukowski, c'est « Avez-vous remarqué que le LSD et la télé couleur sont arrivés sur le marché à la même époque? » Il faut que je leur dise, celle-là. Là. Charles Bukowski, ça vaut la peine. Attention. Avez-vous remarqué que le LSD et la télé couleur sont arrivés sur le marché à la même époque? Mais oui! C'est bien évident! C'est des grosses télés LSD, là! 78 pouces! Toutes tes chums sont... Toutes tes copains, tes copines sont gênés. Ben, première, les copines veulent toutes avoir des 72 pouces. Tous les copains aimeraient en avoir une 72 pouces. Puis là, ils se disent, « Hey, moi, avec ma télé carrée, là, ma petite télé carrée, noir et blanc, là, faut avoir du LSD pour voir ça en couleur. T'es-tu capable, toi, Jean-Marc? »« Ah, mais moi, j'ai demandé à ma charmante Brebouze. » »« Comment? »« À ma Charlie Debouze. » »« Comment ça? Qui? »« À Charlie Debouze. » Alors, Charles Debouze. Non, le Javier Debouze. Le Bouze. À la Lobo Debouze. En tout cas, l'humoriste. Ah, c'est, tu sens la Bouze. Tu sens la Bouze. 100% de Bouze. Oh, le blues. Faut que je te lose, mon maudit blues. Charlie Debouze. Non, c'est qui? Oh, maudit blues. Envoyez-moi Facebook. Facebook, Renald Gagné, à commercialogmail.com. Devenez mes amis. Oh, maudit blues. Oh, maudit blues. Faut que je te blues. C'est pas un blues, ça, là, là. C'est un rock and roll, un rock and coke. Deux laitues, deux mayonnaise, s'il vous plaît. Oh! Ce soir, je ne me suis pas réveillé. Ma belle vie, je l'ai crachée. En rêve ou en réalité? Avec vous-même, est-ce la réalité? Mais moi... Je ne suis qu'une télé en LSD. C'est un grand succès. On sent la visite qui va arriver là avec des guns puis des fusils à blow, des GI blow. Puis ils vont tirer puis ils vont dire attention Monsieur Grenier là c'est la police. Ah non pas la police on l'aime celle-là. Ouais on vient vous arrêter parce qu'on a senti que vous étiez dans des sentiers un peu trop. Oh, dangereuse police! Vas-y, mon cher. Bonjour, c'est encore nous, vos trois gentils toutous. Je veux parler de Rex, de moi et du sergent Bigras. C'est cela, on est pas mal tanné de se faire écœurer. Ah oui, effectivement, on est victime de harcèlement. Je n'ai pas que l'on se plaigne de se faire traiter de manger de bain. De bœuf, de porc, de gros chez ça. Au caractère un peu brutal, à la longue on s'y fait. Parce qu'au fond c'est un peu vrai. Il y a quelque chose qu'on peut pas supporter. Je suis plus capable de l'endurer. C'est de se faire crier. Je vous prie. maniaque a tué ça. Ouais. Il s'est sauvé avec mon bras. Bonjour la police. Allô police, mon mari maltraite. Je t'ai dit de pas m'appeler à job direct. Bonjour la police. Policeur, plein de pistes. Ils sont non, les policiers. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais au nom de la loi, arrêtez. Que nous crier. Des petits humorismes. Bonjour la police. Bonjour la police. Bonjour la police. À votre service. Qu'est-ce que là, je suis en train de chanter? Bravo. Hein? Rex s'est fait écraser. Hein? Il est mort. Rex, pourquoi t'as-t-on tué? Les écœurants, ils vont payer. Bonjour la police, bonjour la police, bonjour la police. En mémoire de Rex. Bonjour la police, bonjour la police, bonjour la police. Bourreau d'animaux. Bonjour la police, bonjour la police, bonjour la police. Prends ça et ça, un chausson avec ça. Madame. Bonjour la police, bonjour la police, bonjour la police. Ah, le chouchou d'Errance Renaldienne, l'auteur, compositeur, interprète, Paul Pechnard. Alors à toi, mon cher Paul, que j'ai rencontré en juillet 2023. On te laisse la place comme d'hab. Alors allons-y avec l'univers des plus flamboyants, Paul Pechnard. Sommeille en moi qui se réveille quelquefois. Quelque chose en rapport avec toi qui s'adresse à moi tout bas. Je n'oppose pas de résistance à cette mélodie persistante. Ce murmure, ce bruit de fond qui m'ouvre un nouvel horizon. Cherche d'endroits inconnus. Il y a cette musique qui m'emmène et puis qui toujours me ramène dans les méandres de la Seine, là où je me reconnais sans peine, où la ville comme dans un miroir se reflète dans l'eau noire. Du plus profond de l'hiver, du fin fond du système solaire, je crois voir une petite lumière. Je crois entendre un petit cri, un cri d'espoir dans la nuit, auquel le ciel et les étoiles s'associent. Parle de toi quand la ville dort tout autour de moi. plus profond de l'hiver, du fin fond du système solaire, je crois voir une petite lumière, je crois entendre un petit cri, un cri d'espoir dans la nuit, auquel le ciel et les étoiles s'associent. Moi, je dis toujours, là, la radio, au-dessus du code d'écoute, mais si je touche une personne, ouais, une personne, c'est celle-là qui m'intéresse. Voilà. C'est cette notion de... Humaniste. D'humaniste, c'est... moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ma blague de la journée, c'était un radiothérapeute. Un radiothérapeute, voilà, ouais, tu soignes les gens avec ta radio. Ah, oui, oui, ouais, c'est vrai. Voilà. Et je suis content que si tu les soignes avec ta radio et mes chansons qui sont à ouais, l'intérieur. Ah oui, ben oui, ça fait un osmose intéressant. Parce que si on se reconnaît, en fait, tu écris la vie de chacun, parce que la tienne, c'est la vie de tout le monde en général. Ben, il y a des choses communes, forcément, avec les autres gens. Comme quand les gens te racontent ce qu'ils font, ben, y a des trucs quelquefois qui te parlent beaucoup parce que tu dis ben, finalement j'ai traversé les mêmes histoires. C'est des similitudes. Voilà, des similitudes. Et donc c'est la même chose dans l'autre sens, c'est moi qui vais raconter des trucs. Et l'avantage des chansons, c'est que tu peux faire des histoires qui sont simples, mais qui quelquefois raconte un peu plus que ce que ça dit. Ouais. Donc cette chanson qui s'appelle « J'attends l'été », que j'aime ouais, bien, qui est une nouvelle chanson que je chante et que les gens chantent en même temps, bah finalement « J'attends l'été », toi, c'est « J'attends toutes les choses positives ». Et c'est étonnant parce que, en écrivant cette chanson, je me suis dit « J'aimerais bien que les gens la chantent ». Et je l'ai chantée une fois, juste pour la première fois. Il faut tester, tu ouais, sais pas. Et sans que je dise rien, tout le monde s'est mis à chanter le refrain. Je me suis dit, ah bah c'est marrant parce qu'ils ont un peu lu dans mes pensées. Ouais. Donc maintenant, ça fait partie du truc que les gens chantent le refrain avec moi. En fait, tu as trouvé quelque chose d'accrocheur aussi. Ouais, il y a un truc qui me plaît. Une ritournelle. Ouais, puis je pense que dans l'idée de « J'attends l'été », il y a un truc qui plaît. Ça me touche beaucoup en fait. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes attendent l'été. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Tout le monde attend l'été. Même quand c'est l'été, peut-être. Peut-être. Bizarre. Parce qu'ils ne vivent jamais l'instant présent. Exactement. Ils sont l'été et ils pensent que c'est déjà l'hiver. Oui. Alors il faut leur rappeler qu'après l'hiver, il y aura l'été. Mais chez nous, il y a plus de différence entre l'été et l'hiver. Tandis qu'ici, ah ouais, tu arrives ici en février, je t'habillais comme si c'était l'automne. Ah oui, mais à cette période-là, je me souviens, il faisait moins 51 chez oui, toi. Oui, oh oui. Donc, et ici, il faisait 8. Oh je m'en oui, souviens très bien. Oh et, oui. Et forcément, pour toi, il faisait chaud. Mais moi, je ne suis pas surchargé, contrairement aux Parisiens qui sont surhabillés au mois de février. Pour nous, c'est vraiment l'automne. C'est... Ouais. Le climat est merveilleux. On va en terrasse extérieure et non pas intérieure. Mmh. Puis tout le monde trouve ils ne veulent pas mon... ils veulent pas sortir. Ils veulent... Ah non, oui, c'est rien. C'est un cadeau de la vie. Ah ouais, ouais. Hey, j'ai 10 questions. Tu les connais, mais ça change tout le temps. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide... Ben écoute, je pense que je serais de l'eau, simplement. Je ne sais pas ce que j'ai répondu l'autre fois. Oui, mais... toujours de l'eau. Ben, pas... Bon, ouais, ben voilà, tu vois, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ouais. Voilà, comme ça, être un peu présent partout. Mais surtout qu'elle devient de plus en plus rare. Ben ouais, mais rare pour les gens, parce que la quantité d'eau sur Terre, elle ne change pas. Non, mais la qualité, oui. Peut-être, ouais, la qualité, ouais. Mm. Mais moi, je trouve ça abominable de voir des gens acheter de l'eau embouteillée quand l'eau est gratos. Ben, ouais, ça peut se discuter, effectivement, ouais. C'est fou, c'est fou. Si tu étais une ville... Alors, j'ai peut-être répondu Paris, ouais, mais peut-être aujourd'hui, je vais dire Montréal. Ben oui, voilà, puisque, ben, ta fille est ancrée là. Voilà, puis c'est une belle ville, j'aime beaucoup, c'est très vivant. La plus polluée au monde. Oui, mais ce ne sera pas permanent. On se le souhaite. On va espérer qu'il y ait un petit peu de vent ouais, à Montréal. Donc, ouais, donc ça sera Montréal avec un peu de vent. OK. Voilà, pour faire partir la fumée des incendies. As-tu déjà visité la ville de Québec? Ah oui, oui, oui. Okay. Oui. C'est plus francophone. C'est une belle ville, ouais. C'est plus français que Montréal. Montréal, c'est plus new-yorkais. Ouais. Mais j'aime bien à Montréal, justement, le mélange comme ça. Justement, moi, j'aime bien la ville de New York. Bon, j'y vais pas très souvent, mais c'est une ville que j'aime bien pour la... Ce mélange, il y a plein de trucs différents. Quartier chinois, quartier... Ouais. Puis il y a des gens qui vivent la nuit, il y a plein de trucs qui se passent tout le temps. Ça me fait penser à un peu à Paris, mais différent. C'est très différent. Et ce que j'ai le plus étonnant à New York, c'est que c'est une ville qu'on connaît par les films, les photos, etc. Ouais. Mais quand on y est, et cliché, ouais. C'est à la fois la même chose et à la fois ça n'a rien à voir. Mais non. Et ça, c'est magique. Donc... voilà, je dirais Montréal parce que c'est un peu New York, mais en taille un peu plus sympa, quoi. Ouais. New York, moins énorme. Ouais. C'est un peu trop énorme, trop grand. Plus humain. Plus ou moins trop. Non, plus humain. Plus humain. Plus ou moins humain. Ouais, exactement. Plus ou moins trop humain. Où s'en va l'humanité? Si tu étais une langue. Une langue? Eh ben... J'ai noyé tous mes mots. Envie dans tous les vers, déchiré sans un mot, tous les vers de mes poèmes. J'ai sifflé les bouteilles, remplies de vin amer. J'ai laissé pousser les raisins de ma colère. J'ai bu le verre de trop, je me suis jeté à l'eau. J'ai dit adieu à mes mots, me suis trompé jusqu'aux os. J'ai trop claqué du bec, trop souvent dormi par terre, avec le clair de lune comme compagnon d'aventure. J'ai rendu les armes, j'ai versé une larme sur le temps qui se presse, sans laisser d'adresse. J'ai couru après la gloire pour aligner mes planètes. On ne change pas de trajectoire quand on n'est qu'une comète. J'ai mordu la poussière, j'ai appris à me taire, j'ai appris à me battre, à ne plus me laisser faire. J'ai trop claqué du bec, trop souvent dormi par terre, avec le clair de lune comme compagnon d'infortune. Claqué du bec, trop souvent dormi par terre, avec le clair de lune comme compagnon d'infortune. Je t'ai déclaré la guerre, j'ai fait ta défaite, tapé dans la grosse caisse, chanté à tue-tête. Alors, il y a un truc, ça s'appelle la langue des oiseaux. Oui. Et la langue des oiseaux, ça consiste à entendre dans les phrases autre chose que ce qu'on y a dit. Parce que les sons sont les mêmes. Alors, j'ai toujours des exemples qui me viennent en tête, sauf à l'instant présent. Donc c'est dommage, parce que ça serait bien. Mais quand on se fixe là-dessus, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que souvent, les gens ne disent pas exactement ce qu'ils veulent dire. Ils en disent plus, ou ils en disent moins. Mais voilà, c'est une manière d'écouter les choses cachées que disent les gens. Ouais. C'est la langue des oiseaux. C'est presque subliminal. Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup, tu crois, qui à travers les gestes, au lieu des mots, essayent de décrire quelque chose parce que c'est trop difficile à dire, c'est plus facile à montrer? Bon, la langue des oiseaux, c'est surtout les sons, parce que les oiseaux, on pense aux sons. Mais la langue des mains, par exemple, souvent, elle dit plus que les mots qui y accompagnent, c'est certain. Ouais. Après, il faut regarder, il faut observer, il faut comprendre. C'est pas aussi clair. C'est pas aussi clair. Voilà. Mais quelquefois, les gens disent quelque chose en pensant fortement le contraire et ça s'entend aussi. Ah, c'est vrai. Pourquoi pour ne pas blesser, pour suivre le courant. C'est pas forcément négatif, c'est juste que c'est comme ça. Ouais. Si tu étais une époque. J'aime bien l'époque dans laquelle on vit. Malgré tout. Oui, parce que je crois qu'il y a plein de choses qui changent, mais c'est bête de dire ça parce qu'il y a toujours plein de choses qui changent. Et quand on regarde les époques anciennes, on dit j'aimerais bien être à l'époque parce qu'on sait ce qui s'est passé après. Mais quand on y était, on sait comment ça s'est terminé. Et quand les gens qui y étaient, évidemment, ne pouvaient pas du tout savoir. Donc finalement, l'époque de maintenant, c'est la part d'incertitude qui en fait sa richesse, comme toutes les époques, comme celles qui vont venir plus tard. Dans 20 ans, quand on se reverra rue Rénal de Gagné, l'ancienne rue des Abbesses, on dira, tu te souviens de comment ça s'appelait avant? Oh là là, c'est incroyable. C'était une époque, C'était mieux à ce moment-là, on dira, non quand même. Ouais, on devient un peu rognochon, grognon. C'est ça que j'aime pas trop dans le fait de choisir une époque, c'est que par la force des choses, on choisit des choses passées. Et on arrive vite à dire c'était mieux avant. Et le passé s'est dépassé peut-être. Voilà, le passé, on s'en fout en fait. Ouais. On est dans le présent, dans la création. Préférable d'être dans le présent, C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Si tu étais un mot. Un mot. Si j'étais un mot, en fait, je serais plutôt deux mots. C'est les notes et les mots. Okay. Parce que c'est un peu ça que je fais, d'assembler des notes et des mots, ou des mots et des notes, voir ce qui va ensemble, chacun faisant le complément de l'autre. Et voilà, donc j'aime bien ça. Donc je suis désolé de ne pas répondre complètement à ta question. C'est bien. Est-ce que c'est plus difficile d'écrire aujourd'hui qu'avant? Parce que plus tu écris, plus tu ne peux pas redire ce que tu as déjà rédigé. Alors c'est vrai que on a tendance, j'ai tendance, parce que les autres, je ne sais pas, j'ai tendance à me mettre à réécrire toujours la même chanson. Alors, je pense que c'est ce que je fais, en fait. Que c'est ça, la base de mon activité de musique, c'est d'écrire toujours la même chanson. Okay. Et autrement. Mais de faire autrement, avec d'autres mots et d'autres notes. Et puis, parce qu'à chaque fois, je me dis, j'aime bien cette chanson que je viens de faire, mais probablement, il y a une manière de la faire un petit peu mieux. D'aller plus loin. Alors, pas les mêmes notes, pas les mêmes mots, pas les mêmes notes. Et aller, pas le même chemin. Voilà. Et pas arriver au même résultat, donc. Et que ça soit encore mieux, si on peut dire. Mais je renie pas les anciennes chansons. Mais c'est. Je crois pas trop à l'idée de dire. Aujourd'hui j'ai fait ça et demain je vais faire un truc qui n'a rien à voir. Comme je suis moi avec mon expérience et ce que j'ai appris à faire, à écrire et ce que j'ai appris à jouer, je ne vois pas comment je peux l'améliorer, je peux le compléter, et puis petit à petit, je peux dériver vers d'autres choses qui finalement n'auront plus rien à voir. Mais il y a un chemin que je suis obligé de suivre. Mais est-ce que ça surprend encore lorsque tu écris? Est-ce que tu es surpris de ce que tu as fondu? Oui, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu montes sur scène, tu as toujours une émotion qui est toujours nouvelle. Et là, c'est pareil. À un moment, tu trouves un truc, tu te dis « Ah, mais c'est incroyable, ça fonctionne, en fait. » Et donc, c'est très merveilleux, c'est très surprenant. Une fois, on écrit des trucs, on se demande vraiment d'où ça sort. Mais ça fait partie du truc. Et c'est pour ça qu'il faut... Enfin, c'est comme ça que je fais, en tout cas. Moi, je laisse toujours la porte ouverte. J'écris tout ce qui me passe par la tête. Tout. L'écriture, presque une écriture automatique? Pas réellement, parce que l'écriture vraiment automatique, c'est complètement inconscient. Oui, c'est-à-dire que tu n'as plus aucun contrôle. Non, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément. Voilà. C'est le, la limite, l'autre partie. Voilà. Un signe de la main, un sourire, un parfum, une silhouette dans le lointain. Hier est si loin, les oiseaux que rien n'arrête. Chante à tue-tête, le soleil qui revient, alors que c'est déjà demain. Déjà demain, hier est si loin, les jours qui vont et qui viennent ont tous une fin. Tant de promesses par ce temps de chien, pour déborder les rivières depuis ce matin. À l'ombre de moi-même, je ne vois plus rien, je n'entends plus tes je t'aime. Garde-les pour un autre quelqu'un. Déjà demain, hier est si loin, les jours qui vont et qui viennent ont tous une fin. Tu m'entourais de petits riens, ils illuminaient mon chemin, des grains de lumière aujourd'hui éteint. Une silhouette dans la nuit, le temps qui s'enfuit, et le jour se lève en emportant mes rêves. Déjà demain, c'est déjà demain, tous les rêves ont une fin. Hier est si loin. Alors que là, pour moi, le contrôle, c'est pas que je me dis, faut pas que je dise ci, faut pas que je dise ça, etc. C'est plutôt que je respecte mon émotion de départ. S'abandonner, donc, non? Ouais, c'est ça. Aller le plus précisément d'une émotion, quelque chose qu'on peut pas qualifier. Ça peut être une ambiance, une couleur, ça peut être une façon de voir les choses, ça peut être mille choses, une émotion. Mais c'est quelque chose qui est personnel et c'est ça que j'essaie d'exprimer. Et donc c'est ça que j'essaie de respecter, parce que je pense que plus je serai sincère et authentique avec cette émotion, plus que je vais en sortir aura un intérêt. Oui, oui. Et surprenant. Et peut-être surprenant. Écris-tu beaucoup si tu es genre à emmagasiner, puis à un moment donné prendre un papier puis un crayon et retirer le jus du jet? Je dirais que ça m'est arrivé à des périodes où j'écrivais beaucoup de choses de me dire, bah là vraiment, faut que j'arrête. Pourquoi ? Mais parce que j'avais l'impression d'avoir tout dit. Mais en réalité, je crois que c'est pas ça le vrai truc. Par exemple, quand j'avais mon échéance du 11 juin pour mon spectacle, d'une certaine façon, j'avais pas de limite au temps que je pouvais passer à écrire ce spectacle. Ouais, ouais, ouais. Si j'avais eu une autre échéance pour un autre spectacle le mois d'après, bah, j'aurais continué sur ma lancée, mais pour mon autre spectacle. Ouais, ouais, ouais, ouais. Tu vois. Donc je pense que c'est plutôt les occasions qu'il faut qu'on a le moteur. Mais trouves-tu ça difficile de travailler autant pour un projet qui ne dure qu'une fois, mais même si ça se répète, ouais, là, et c'était pour un moment précis? Alors, la réponse, c'est que ça vaut le coup, parce que comme ça, quand tu présentes quelque chose, bah, tu as vraiment fait de ton mieux. Et puis le truc, c'est que dans ce cas de ce spectacle, comme pour moi c'était très nouveau, ça m'a appris énormément de choses qui me sont utiles à la fois pour mes chansons, à la fois pour être sur scène et à la fois même pour être dans la vie ou pour écouter les autres. Donc, comme c'est parce que c'est nouveau, ouais, comme c'est nouveau, j'ai appris plein de choses comme si j'avais été à l'école. Ouais. Voilà. Ah, je crois, oui, oui. Parce que quand tu écris le truc et que tu sais pas faire, bah, t'écris des trucs, ça te paraît vraiment bien, puis quand tu les testes, en vrai, bah, ça marche pas du tout. Donc faut trouver pourquoi ça marche pas, puis refaire et rechanger, etc. Donc c'est un travail de conception qui m'a été très enrichissant. Étais-tu traqueur à ce moment-là, quand t'es monté sur scène? Avais-tu le trac? Ben, je craignais d'avoir beaucoup le trac et de pas du tout réussir à m'exprimer. Ouais, ouais, ouais, parce que ouais, quand tu joues, il y a un côté de réflexe qui vient, plus ou moins d'habitude. Quand tu parles, ben, ce que je craignais, c'était d'être là en me disant ben, « je sais pas ce que je veux dire, je sais pas pourquoi je suis là ». En fait, j'ai pas du tout eu cette question, mais j'ai été super concentré. Et donc, le truc marrant, c'est que donc, j'ai fait tout ce que j'avais à faire du début jusqu'à la fin. J'ai pas eu de problème. Hmm. Pas du tout, j'ai réussi à exprimer les trucs. Bon, évidemment, ça aurait pu être mieux, mais c'était bien. C'était réussi. Et à la fin, j'ai eu un rappel. Et là, j'avais aucune idée de quoi t'avais jouer. Tu n'avais pas préparé de rappel. Ouais, j'avais pas préparé. Et des chansons que je connais, j'en ai des dizaines. Impossible de trouver une chanson. Parce que j'avais, en gros, j'étais tellement concentré pendant une heure et quart que c'était fini, j'avais réussi. Je me suis dit, pff, je suis là, les gens redemandaient, ouais, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai, je n'avais même pas planifié le plan B, moi. Aucune idée. Puis là, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai tourné en rond pendant 3 minutes, okay, en disant, ben, je sais pas. Là, j'étais complètement paumé. Enfin, j'étais tranquille, c'est bon. Mais et j'étais ça, paumé. Ton senti ému. Ben, ouais, puis donc il y en a que ça les a fait marrer, mais moi aussi ça me faisait marrer, ouais, parce que c'était un truc invraisemblable. Puis après, j'ai fait un morceau qui me passait par la tête, que j'aimais bien. De mon imagination et d'étranges émotions m'envahissent sans raison. Il me faudrait plusieurs vies pour ne plus tomber dans les sens interdits. Il me faudrait plusieurs existences pour retrouver ma ligne de chance. Je me dirige au radar, au milieu de nulle part. Mon étoile s'est éteinte et je suis prisonnier du labyrinthe. Même la musique la plus douce ne peut plus dissiper mes doutes. Pour retrouver Avais-tu un habit de scène? Avais-tu une mise en scène aussi, mais étais-tu habillé? La mise en scène, comme je ne suis pas un comédien... Parce que là, on peut voir que tu as changé, tu n'as plus tes macarons. Oui. Aujourd'hui, je me suis dit, j'aime bien ce blouson. OK. J'ai acheté à un copain et j'aime beaucoup. Ouais, c'est rocker. Je ne dors pas avec, mais presque. Presque, voilà. OK. Et donc, pour ce spectacle, comme je parlais de spectacle, de scène et tout, ma veste avec les badges avait un rôle à jouer. OK. Donc, je la mets, au bout de 2-3 chansons, je mettais cette veste pour raconter des trucs. Mais tu étais arrivé en chemise, sans veste ou... Oui, c'était un peu particulier, mais pour faire les deux premières chansons. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une mise à nu, presque? On peut appeler ça comme ça, mais non, j'étais quand même relativement habillé. Mais... Parce que toi, sans veste, tu te sens dépouillé. Tout à l'heure, tu disais que les gens étaient surhabillés. Bon, j'étais un peu sous-habillé parce que j'avais pas ma veste. Mais sans veste, tu te sens pas un peu... J'étais pas dans mon truc. C'est ça, t'étais pas à l'aise. Ouais. C'est pour ça que quand tu l'as pris, là, t'es devenu Paul Pechnard. Voilà, était derrière moi et quand j'ai mis, je me suis dit... Ah, les choses reprennent leur cours normal. Mais c'est un peu aussi comme la guitare. La guitare, c'est un blocage devant le public aussi. Alors ça, on me l'a dit quand j'ai commencé mon spectacle. On m'a dit, ah ouais, mais toi, t'es toujours caché derrière ta guitare. Ouais. Donc j'ai réfléchi et donc j'ai conservé ma guitare tout long. Enfin, j'ai changé de guitare au fur et à mesure. Puis j'ai un ukulélé aussi. Enfin, j'ai même une guitare et un ukulélé en même temps, donc c'est un peu spécial. Mais parce que... Avec deux bras, c'est quand même assez... Ouais, avec deux bras, mais que j'ai fait quand même. Okay. Et le fait d'avoir la guitare me permet simplement de finir une phrase et d'enchaîner les chansons. Ouais. Il n'y a pas de blanc. Tu ne pouvais pas faire a cappella comme on a parlé tout à l'heure avec l'artiste que tu... Non, Pierre Barreau. Ouais. Je pourrais le faire, ça fait partie des trucs que j'aimerais bien faire. Il faut encore que je me penche un peu sur la question. Ouais. A cappella, c'est bien, ouais. C'est risqué. Ben, ouais. Ouais. Moi, je dis souvent qu'à Capella, c'est chanté avec 200 musiciens en grève. Quand même. Hein? Ah, c'est super, ça. C'est pas mal, hein? Ouais, très, très bien. Ouais. Si tu étais un aliment. Salut, Dino. Un aliment, ben, je crois que je serais du pain. Parce que j'aime bien le pain et puis je trouve que je suis toujours content de manger du pain. Et ça te fait plaisir de dire ceci est mon corps livré pour vous? Non, je suis pas à ce point-là. Non, Mais ça s'en vient tranquillement. Je suis peut-être un peu bizarre, mais je suis pas arrivé là. Enfin, j'espère en tout cas. Parce que tu te gardes une petite gêne, c'est ça? Tu te gardes. Tu serais un peu timide pour envoyer ça, cette vanne-là? Ceci est mon corps livré pour vous. J'aimerais pas que ça soit mal perçu parce que. Ça peut être mal perçu, c'est ça la beauté de la chose. Ouais. Tu lances quelque chose, s'il la rattrape puis il comprend tout à fait. Bon, prochaine fois quand je joue et que tu es là, c'est toi qui seras en charge de cette blague. Ouais, non. Parce que là, tu vas dire, non, mais c'est normal, c'est un Québécois. C'est un Québécois, vous ne pouvez pas comprendre. Non, on le fera au Québec. OK, comme ça, tu n'auras pas d'excuses. OK, c'est vrai, il n'y a pas de problème, OK. Je dirais, j'ai quelqu'un de très important qui est là. Ses initiales, c'est J et C. Ah oui, OK, J, C, ouais. Carrément. Il terminera sans doute crucifié. On va y aller au canon. Ouais, il terminera peut-être crucifié. Ah ben là, je ne sais pas, j'espère que non. Si tu étais une saison. Ah ben, une saison... Je pense que souvent je dois répondre l'automne parce que j'aime beaucoup l'automne. Mais cette année je vais changer. Puisque pour ta chanson. J'écris ma chanson qui s'appelle J'attends l'été. Le tube. Donc, et donc je ne vais pas dire l'été, je vais dire le printemps. Parce que qui amène l'été. J'attends l'été, c'est plutôt au printemps. Ouais. Parce que c'est pas loin, tu vois. Et c'est quand même une belle saison, le printemps. Ouais. Tu connais la chanson de printemps de Rissé Barrier? Ah, malheureusement non. C'est le printemps. Le Rissé Barrier, tu connais un peu. D'avant, sur mon drôle de chemin, je n'avais peur de rien, tout était mieux que bien. Dans mon vieux carrosse, je roulais ma bosse vers les promesses de l'aube et les mers d'émeraude. L'ai-je vraiment vécu? Cette vie d'avant, j'y pense fréquemment, dubitativement, battre la campagne, fendre les flots, profiter des matins calmes, au bord de l'eau, au bras de la princesse de ma vie d'avant, au bras de la tendresse d'un éternel printemps. L'ai-je vraiment vécu? L'ai-je vraiment connu? J'y pense fréquemment. Évidemment. Parti en fumée, tant de jours ont passé, comme autant de cigarettes à jamais consumées. Que ma guitare qui reste pour me consoler a rejoué sans cesse l'écho de ces années. L'ai-je vraiment vécu cette vie d'avant? J'y pense fréquemment, j'y pense trop souvent. L'ai-je vraiment vécu? L'ai-je vraiment connu? J'y pense fréquemment, indubitablement. Si tu étais un membre corporel. Ah, ben je pense que je serais les mains, ça fait pour jouer de la guitare. Ben oui, ouais, t'as écrire tes chansons. Ouais. Ouais. Si, parce que c'est toujours, ouais, c'est, mais c'est ouais. Souvent ça. Si tu étais un moment de la journée. Eh ben, comme souvent tu me poses les mêmes questions. Ben oui, c'est les mêmes questions. Et je sais pas ce que je te réponds, mais je pense que c'est toujours pareil. Donc je vais sûrement te répondre le matin tôt, parce que j'aime bien le moment où il se passe rien. Je suis parfaitement tranquille. Ouais. Quoique, comme la nuit dernière, tu t'es pointé chez toi à 3h du matin. Ah oui. Tu as très peu dormi. Ouais. Ça m'arrive souvent. Donc, c'est classique. C'est exceptionnel. Donc on n'en parle pas. On peut en parler, mais il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Ouais. C'est du Paul Pechnard 100%. Ben, souvent c'est comme ça, ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Je dirais, si j'avais le choix, bon, j'ai toujours eu le choix. Tout le monde a le choix, oui. Donc, moi, je ferais différemment, ouais. Je ferais différemment. Mais comme c'est déjà fait, c'est plus facile de le dire... Une fois que... Ben, je pense que la réponse est toujours que ben non, je ferais pareil, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais non, moi je n'ai pas vraiment cette... En fait, souvent on me dit que je plane en fait, dans la journée, hein. C'est, on me l'a souvent dit. Hein. Parce que je fais un truc en pensant à autre chose, ou bon, voilà. Et... quand je fais quelque chose, souvent je me dis j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, ou, etc., etc. Donc, mais ça, c'était bon, un peu... je ne suis pas très nombreux dans ma tête, ouais. N'empêche que je peux me permettre de me dire j'aurais pu affiner quelque chose, être autre chose, faire autrement, dire autrement. J'aime bien ces possibilités qui sont transposables dans la vie réelle, mais transposable dans la partie imaginaire. Ah ouais. Voilà. Okay. On peut faire quelque chose en s'imaginant autre chose. C'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'on le fait souvent. Oui. Ou alors, peut-être que moi, je ne sais pas. C'est vrai. Voilà. Et même en s'imaginant plusieurs choses. Tu vois. Voilà. Et par exemple, je regarde la plaque là et sans déconner, je vois Rénal de Gagné. Ah ouais. Enfin, rue Rénal de Gagné. Oui, effectivement. Puis un X sur la rue des Abeilles. Ben, oublier cet endroit qui... Tu vois, donc c'est un truc qui va me rester. Parfait. Quand on va me dire rue des Abbesses, je dirais, ah oui, l'ancienne rue qui va rue Le Pic à Place des Abbesses. Ah oui, effectivement. C'est comme le banc de la rue des oui. de la Place des Abbesses. Oui, c'est vrai. Bah, c'est le banc Rénal de Gagné. Mm-hmm. On a fait beaucoup de spectacles. Tout le monde le sait. Bah, tout le monde le Entre sait. Entre nous, il y a 100% des gens le savent. Oui, ben voilà. Oui. Et après, les autres, il faudra leur dire. Ben, ça, c'est dans le lexique. Hein. S'ils ne sont pas attentifs à l'émission, ben, c'est leur problème, c'est pas la nôtre. Voilà. As-tu beaucoup de pro... Oui, vas-y. Ils n'ont qu'à se renseigner. Oui, ben voilà, c'est ça. Des trucs importants. Mm-hmm. Et on devrait même avoir des écoles Rénal Gagné pour commencer à la base. Pour apprendre des trucs importants. Ouais, c'est exactement. T'es-tu un homme à 100 000 projets? Oh bah, je ne sais pas si on peut dire des projets, mais je poursuis ce que je fais, c'est-à-dire que... Et les rendus à terme tout le temps? Est-ce que tu les rends à terme? Ah bah ouais, là, par exemple les albums, bah, là j'en ai déjà sorti 6, le 7e, là il est fini depuis ce matin, donc, donc là il n'y a vraiment pas de raison qu'ils ne sortent pas. Le 8e, il est bien avancé, le 8e album, donc ça c'est des trucs qui... Je ne sais pas si on peut appeler ça des projets, c'est des trucs que je fais au fur et à mesure du temps. On verra comment ça se passe. Bah, le spectacle, bah, je suis allé jusqu'à le faire sur scène complètement. Et puis vraiment, vraiment, c'est important pour moi de le faire vivre. Et puis après il y a les aléas, on sait jamais. Puis j'ai comme ça des idées, des choses. Mais là, tu travailles là, surtout à mettre en spectacle le nouveau disque qui va sortir là, au mois de novembre. Là, le disque qui va sortir, je dirais, il est complètement fini. Oui. Et puis pour moi, c'est déjà presque de l'histoire ancienne. Parce ouais, mais là, tu ne veux pas le faire sur scène. Non, mais je fais des trucs... Enfin, si, on va organiser des concerts pour la sortie. Mais ça, les concerts, si c'est tu vois, en décembre, ou je ne sais pas quand, il y a encore 6 mois, donc il n'y a pas le feu. Ouais. Les chansons qui sont dessus, ben, je les connais archi par cœur. Donc, je n'ai pas besoin de me pencher, je les connais. Non, ouais, c'est fait. Donc, question chanson, mon projet, entre guillemets, pour l'instant, c'est plutôt ce que je suis en train de faire pour l'album suivant. OK. C'est plutôt ça. Et pour le spectacle, ben, mon projet, ça serait plutôt de l'améliorer en fonction des trucs que j'ai vus avec Pauline Paris, et puis de le refaire à d'autres endroits pour voir comment ça peut se développer, qui ça peut intéresser et où ça peut me mener. C'est vraiment, je suis très très curieux. En fait, je suis très curieux. C'est comme si j'étais dans un bateau, je ne sais pas où il va. Quoi. Ah ouais, c'est bien. C'est vraiment l'impression que c'est l'errance. Voilà. De l'errance. L'errance rénalienne. Oui. Non, mais c'est marcher sans aucun but et d'arriver à quelque chose avec ça. Voilà. Ouais. Je sais que. Voilà, c'est comme quand on joue, ben, on est dans des endroits qui, des fois, c'est bizarre. Mais c'est merveilleux, quoi. On y est, on se démerde. Voilà. Voilà, donc c'est ça les idées. Après, il y a toujours d'autres choses, mais des trucs très concrets, ces choses-là. Mais lorsque tu as plusieurs projets, comme ton... appelle ça un one-man show. Ouais, on dit oui. Seul en scène. Après. Seul en scène, oui. Ouais. Mais comme tu le fais pas souvent, as-tu peur d'oublier? De toute façon, quand tu fais un truc comme ça, je pense que... Avant de le refaire, il faut le répéter, le répéter. C'est ouais. Comme les chansons. Il y a des chansons, ça peut paraître bizarre, mais je les ai chantées des centaines de fois. Je suis quand même obligé de les répéter un peu. Ouais, oui. Parce que arriver sur scène, des trucs que je n'ai pas chantés depuis 2 mois, par exemple, bon, c'est pas confortable. Donc c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Et si je les répète la veille, l'avant-veille, 2-3 fois, ben, je suis super à l'aise. Mmh. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me tromper, hein. Mais au moins je dirais avec l'esprit tranquille. Mais tu n'as pas répondu tantôt, que, écris-tu souvent? Es-tu un gars qui est toujours... tu prends des notes ou... Un peu, ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien les systèmes qui permettent d'aller très vite. C'est pour ça que le spectacle, par exemple, j'écris avec le téléphone, ouais, en bagnole. Donc pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. J'ai juste à appuyer, enregistrement, et je parle. Alors, tu as vu, les embouteillages, il y en a beaucoup ici. Donc là, on en a vu un petit peu ce matin, mais en temps normal, c'est quand même bien pire. Et donc, pour écrire des spectacles, c'est super. Parce que tu ne vas pas loin, tu vois, tu fais quelques kilomètres, mais ça te met tellement de temps que tu as le temps d'écrire, d'écrire un quart d'heure de spectacle. Donc, j'appuie et je parle. Et je me fais marrer tout seul. Et c'est à la maison, mais c'est à la maison après ça que tu réécris et t'épures un peu. Ouais, alors j'ai trouvé un truc, ça c'est un secret de fabrication que j'ai. Okay, oui. Alors vous pouvez écouter et vous pouvez le faire, c'est mon secret. Au début, j'enregistrais et après j'écoutais, je retapais. Ouais. Ça prenait des heures. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y a une fonction. Oui, on écrit. Ouais. Oui. Et en fait, mon téléphone, il parle. C'est vrai. Et la machine, elle écrit le truc. Alors, ça fait des fautes. Mais c'est pas grave, après tu retouches. Mais voilà, mais ça fait très peu de fautes. Oui, puis tu ne retravailles pas tout le temps. Voilà, et le temps gagné, c'est monstrueux. Vrai. C'est vrai. Donc, tu dis un truc dans un téléphone. Oui. C'est enregistré et c'est écrit. Voilà. Tu as une secrétaire et un micro. Et une secrétaire électronique qui m'écrit le truc et c'est vraiment génial. Oui, c'est vrai. Le temps que j'ai gagné, ce truc-là, c'est la. Le cœur de mon. Est-ce que c'est ton fils qui te l'a appris? Non. Non? Non, je ne sais plus comment j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé ça parce qu'un jour, je me suis dit, bon, je ne peux pas passer ma vie à retranscrire des trucs que je dis, d'autant plus que je vais dire un truc, puis le lendemain. Ça sera plus ça, là. Voilà. Ouais. Même si c'est la même idée, je vais le dire autrement avec d'autres mots. Et puis après, pour refaire la différence, c'est infernal. Ah ouais. Alors que là, un truc, que si je parle pendant 10 minutes, eh ben, ça prend 10 minutes et j'ai tout mon truc écrit. Ouais. Et tu le fais ça à la main, il te faut 3 heures. Quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment génial. Paul, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Oh, ben, de continuer à, je sais pas, apprendre des choses avec tout ce que je fais, parce que vraiment, c'est ça qui me motive. Apprendre et puis à être plus en relation, en contact avec les gens. C'est ça le. Mais ça, tu l'es depuis le début? Ben, j'aime bien l'être. De plus en plus. Ouais. C'est ça à l'aise aussi. C'est mon moteur. Ouais. Ben, plus j'apprends des choses, plus je fais des spectacles, des chansons, je pense que plus je suis connecté. Et mieux c'est. Ouais. Et en février, tu m'avais dit que tu avais un projet aussi d'aller chanter peut-être à Montréal, mais là. Oui, oui, oui. Alors le projet, il est vraiment dans ma tête. Mais c'est vrai que ben, ce printemps. Bon, j'ai pas fait que attendre l'été, j'ai fait les chansons, j'ai fait le spectacle et tout. Et conclusion, j'avais vraiment l'idée d'y aller, mais faire la prospection, trouver les concerts, l'organisation, là vraiment j'ai pas pu. Donc, je me suis dit je ferai après. Ah ouais. Mais ça reste un projet. J'y suis allé au mois de septembre l'année dernière. J'aimerais vraiment y retourner. Peut-être même quand il y a de la neige. Oui. Parce que je suis toujours allé là-bas quand il faisait beau. Donc c'est bizarre. Ok, c'est ta fille qui te parlait de moins 40 et tout ça. Oui, oui, oui. Ah, oui. Je pensais que tu l'avais vécu, moi. Non, non, non, non, non, non, non. Non, j'ai jamais vécu ça, moi. Ok, alors c'est un rêve. Ouais. Un rêve mêlé peut-être en cauchemar ou tu sais pas trop comment tu vas réagir. Un rêve qui refroidit. Oui, puis peut-être tu pourrais faire une chanson en attendant la neige. Ouais, peut-être. Ou en attendant le dégel. Oui, le dégel, oui, du printemps. Oui. Et puis, donc, écoute, je te souhaite tout ce que tu vas entreprendre devienne de l'or. Ben écoute, moi, je te souhaite la même chose. Okay. C'est toujours un grand plaisir qu'on puisse échanger. Oui, ben merci. Voilà. Merci. Puis c'est toujours, je suis toujours ému quand tu viens me chercher parce que, en fait, ça monte ton grand cœur. Ah, c'est gentil. Et, non, mais c'est vrai. Et surtout, l'intérêt que tu... Ben, un intérêt très, très, très poussé envers mon émission. Ouais. Bah écoute, moi, c'est toujours un plaisir. Ouais. Et puis, tu vois, on part de Roissy, il pleut, on arrive ici, il y a du soleil. Ah oui, ben, on amène le soleil. Hein. On est sur la bonne route. À deux, ben oui, à deux, on amène le soleil, voyons. Ah ben, écoute, comme je dis tout le temps, et on ferme avec ça à l'Arvoyeux. Voilà. Ah oui. Voilà. Peut-être à Montréal, avec mes micros. À Montréal ou à Québec. À Québec, oui, devant mes micros. Voilà, avec les deux micros. Ben oui, ben j'en ai trois, mais là, aujourd'hui, c'est ces deux-là qui... Ah oui. Il va falloir que je change la plus. J'en vois que deux. Non, ben, il n'y en a que deux, oui, mais c'est déjà deux. Les deux meilleurs. Bon. Merci, Paul. Bien, bien, merci. Bye-bye. Je fièvre, je stresse, je dérive, je délire. Je débloque, je claque du fric, je coule à pic, je titanique. Je dilapide mon capital, puis me tapis dans ma bulle. J'intériorise, je minimise, je somatise. Je minimise, je banalise, je minimise, je crise. Je minimise. Je me marre, je me leurre, je me barre, je me meurs. Je me rêve, je m'imagine, je m'invente, je me fabrique. J'éteins toutes les lumières, puis je me terre dans ma tanière. J'intériorise, je minimise, je somatise, je minimise, je banalise, je minimise, je crise, je minimise. Je vis en prose, je télévisionne, je me prends pour un autre, je science-fictionne, je me glisse dans mon armure, j'hibernationne, la puce à l'oreille, je me questionne. Je drague, je guette, je chasse à court, je ventre à terre. Je claque du bec, je suis à sec, je me ramasse à la cuillère. J'enrage dans mon château fort intérieur, je m'oubliette. J'intériorise, je minimise, je somatise. Je minimise, je banalise, je minimise, je crise. Je minimise. J'intériorise, je minimise, je somatise, je minimise, je banalise, je minimise, je crise. Je minimise. Chers amis, si. Si je vous. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.